Directement du mois de mars 2005, bienvenue à C'était fou. Bonjour et bienvenue à une autre édition de C'était fou, je m'appelle Mathieu Plante. C'était fou pour mission de se frayer un chemin à travers la troublante discothèque de C'est fou 89.1 FM depuis ses débuts le 7 septembre 1997. À chaque fois qu'on se rencontre, une semaine est choisie. Cette fois-ci, c'est celle du 18 au 24 mars 2005. On entendra des extraits des top 3 francophones et anglophones avec des artistes et des groupes tels que The Steels, Bleu, Luj, Iron and Wine, Submersed et The Police. On écoutera aussi un extrait d'une émission qui était en onde pendant la semaine choisie. On parle dans ce cas-ci de l'émission Pure Laine, animée par François Landry et Geneviève Marchand. Alors, une belle heure complète de nostalgie pour les habitués de C'est fou et de découverte pour ceux qui nous découvrent encore. Mm-hmm. On va commencer avec notre top 3 comme on le fait toujours. Du côté anglophone, la troisième, c'est Iron and Wine avec Woman King, la pièce titre de leur album. Mais avant ça, voici Bleu avec L'Air Informatique au 89.1 FM. C'était fou! Burn, claw, raven wing under the red Les troisièmes positions pour la semaine du 18 au 24 mars 2005 à C'était Fou, l'émission qui rembobine C'est Fou. On vient d'entendre Aaron and Wine avec Woman King du côté anglophone. Aaron and Wine qui est un artiste acoustique qui plaît aux hipsters. Et ça, c'est encore et toujours dans le décor, Aaron and Wine. Avant d'entendre Bleu avec l'air informatique, bonne pièce, éphémère quand même. Ça n'a pas duré énormément longtemps, mais moi, je m'en souviens en tout cas. Je m'en souviens très bien parce que je l'adore, cette pièce-là. De ce groupe défunt qui est Bleu. On va passer aux deuxièmes positions du côté anglophone et francophone, mais avant ça, nouveauté dans l'émission, pour la toute première fois ici à C'était Fou, voici notre merveilleux bloc pub rétro, 19 mars 2005. Faites un voyage dans le sud. Yeah, baby. Toutes les samedis matins entre 9h et 11h avec Fiebre Latina. Ay, que calor. La vague de chaleur qui envahit Trois-Rivières avec DJ Homie et DJ Nelson qui vous feront découvrir les différents styles de la musique latine sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Chérie, as-tu récupéré mon t-shirt C'est Fou chez le nettoyeur? Bien sûr! Je ne m'aurais pas imaginé t'accompagner à la réception sans ton t-shirt C'est Fou! Que ce soit pour vérifier les cotes de la bourse en sirotant un martini, assister à un match de polo ou simplement faire bonne impression, le t-shirt C'est Fou s'avère toujours de mise. Le t-shirt C'est Fou est disponible à la bande dessinerie, la coop universitaire, la boutique L'Urbain, la puce rock, de même qu'à la station C'est Fou FM au prix modique de 10$. Quand on pense qu'encore en 2005, il y a des parents qui n'ont pas les moyens de payer des leçons privées à leurs enfants. Incroyable! Le t-shirt, c'est fou. Le net plus ultra des t-shirts. Souffrir, je m'emporterai mieux. Tu recevras ma lettre. take back when I said I wished you dead, I wished you dead. I was troubled in the eye of your stone, but now I feel safe and warm. I wanna take back when I said I wished you'd never breathe again, because you're tender and you're loving and you haven't done any wrong in a long, long. Très bonne pièce de Police, mais par contre, je crois que ce n'est pas celle-là. On va aller en entendre une autre juste pour être sûr si c'est vraiment celle-là. Je crois que c'est celle-là ici. Tiens. Voilà. Majestic Teenage Dream de The Police. Il me semble bien. Les pièces sont pas écrites sur le CD. J'ai l'air fou, mais c'est pas de ma faute. Pièce quelconque de The Police, pas encore la bonne, mais c'est pas grave quand même. En position numéro 2, The Police pour la semaine du 18 au 24 mars 2005. On va l'entendre, l'extrait Majestic Teenage Dream, dans quelques secondes, pour vrai, hein, de ce superbe groupe avec une chanteuse extrêmement charmante, selon toute l'équipe de C'est Fou, je pense que c'est la vérité là-dedans. Pièce aussi très bonne accessoirement, c'est pas aussi important, mais quand même. Avant, du côté francophone, on a entendu The Stills avec la chanson Retour à Vega, succès énorme, extrait franco numéro 1 de toute l'année 2005 au grand complet. Ça a duré 17 semaines, dont la position numéro 1 pendant 10 semaines. Ça, c'est très extrêmement rare que ça arrive. C'était récupéré ensuite la pièce Retour à Vega par les radios commerciales que vous connaissez probablement. Donc, on retourne avec la formation de Police et la pièce Majestic Teenage Dream. Et puis après ça, il y aura nos positions numéro 1, c'est-à-dire l'UG et Submersed. Vous êtes à C'était Fou où on rembobine C'est Fou au 89 FM. On pourrait sérieusement se demander combien de fois les choses vont mal tourner aujourd'hui. Je dirais à date 3. Ah, ça va très bien. Majestic Teenage Dream. Bon! Hey, là, ça va faire. Là, t'es mieux de pas sauter pendant la pièce, là, sinon... Summer, c'est la pièce Hollow en position numéro 1 du palmarès de C'est fou pour la semaine du 18 au 24 mars 2005. Summer, qui a fait paraître deux albums, un après celui-ci, parce que ça datait de leur album In Due Time, mais après celui-là, après le deuxième, là, il s'est pas passé grand-chose, c'est tout pour la formation Summers. Moi, en fait, je me rappelais pas du tout de la pièce. J'étais ici à C'est fou en 2005. J'animais les palmarès C'est fou avec plein d'autres monde et puis je me rappelais pas du tout de cette pièce-là. Mais quand même, heureux de la réentendre. Avant, du côté franco, elle, je m'en souvenais, c'était Ludger avec Corazon. C'est l'extrait qui avait suivi leur méga hit. Qui datait de 2004. En fait, ça avait été la pièce la plus jouée de l'année 2004 au complet du côté franco. On parle de Mosh Pit de Ludger. Celle-là, Corazon, n'a pas vraiment eu le même impact. Même, je dirais pas du tout. Mais ça joue encore une fois de temps en temps. C'est toujours bien. Voilà pour cette moitié d'émission. C'était fou. On se retrouve après la pause avec tout plein de choses. Un extrait de l'émission Pure Laine, qui date elle aussi du mois de mars 2005. On va faire le tour de l'année 2005 avec notre collaborateur Nicolas Ducharme. Et puis plein d'autres bonnes musiques. Alors, reste avec nous à C'était fou. De retour à C'était fou, l'émission qui rembobine, c'est fou. Cette fois-ci, on a choisi la semaine du 18 au 24 mars 2005. On est rendu au bloc extrait d'émission. C'est donc le moment d'écouter, je vous apprendrai rien, un extrait d'une émission qui était en onde pendant l'année choisie, même qu'on parle de la même semaine. On va entendre un extrait d'émission Pure Laine, animé par François Landry et Geneviève Marchand. Diffusion originale le 19 mars 2005. Purlaine, pour ensoleiller votre journée. Les gens de mon pays, ce sont gens de parole. Vous pensez que c'est facile d'être un Dieu, un homme, un Saint-Esprit aussi? Avec le blues, la métropole. Une chaîne, une caisse de chute en parachute. Corses, amis, remontons le courant, il faut rappeler. Dis donc, camarade soleil, ne trouves-tu pas que c'est Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 26e émission de Pure Laine. Bonjour peuple de Trois-Rivières. En cette première semaine printanière de l'année 2005, enfin le soleil est parmi nous. La dame nature est rendue de notre bord maintenant. Le printemps. L'a tant attendu, yes. Le printemps, après plusieurs chutes de neige qui nous ont fait pelleter et repelleter toujours. Après maintes chutes tout court, les trottoirs glissants, là, ça va être de la gadoue, de la slotch. Là, oui, ça me permet de chanter ce matin. Mais en parlant de printemps, dans la deuxième partie de l'émission, on va commencer avec une chanson qui fait l'hymne au printemps. Vous aurez deviné que je parle de Monsieur Félix Leclerc, non pas le Daniel Lavoie de la télé, mais bien l'original, celui qui n'a pas le moumoute sur la tête. Donc, on va entendre dans la deuxième partie un bloc thématique, retour dans le temps, chansonnier, oui. Puis début, musique. Gilles Vigneault, Georges Dor, Claude Gauthier, Claude Léveillé, Jean-Pierre Ferland, Robert Charlebois, Yvon Deschamps. Quoi demander de mieux? Les grands de la chanson québécoise des années fin 60, début 70. Donc, ne manquez pas ça dans la deuxième partie de l'émission, dans à peu près une heure, quoi. On vient de commencer l'émission, là. Mais pour commencer, on va y aller tout de suite avec deux groupes que, ici, à C'est fou et à Pure Laine, on adore. Il s'agit de Loco Locas, suivi de Plastic Light. D'abord, Loco Locas avec anti-américanisme primaire. Et pour Plastic Light, ce sera Colocataire recherché. Mentionnons que ces deux groupes ont fait des spectacles pour soutenir les étudiants dans leurs revendications dans leur mouvement de grève. Oui, exactement. Spectacle gratuit avec les apartistes, entre autres. Les Breastfeeders qui étaient avec Loco Locas. Il y avait au Spectrum, c'était Plastic Light. Je ne sais plus s'il y avait d'autres artistes avec eux. Je sais qu'à une autre place, il y avait le groupe punk Akuma qui est très engagé socialement. Eux autres faisaient payer. Mais leur fonds allait pour le mouvement de grève, donc c'est une très bonne cause. On félicite tous ceux qui se sont impliqués dans le mouvement de grève et qui continuent, parce que ça va continuer jusqu'à la fin du mandat des libéraux, ça. Donc, allons-y tout de suite avec Loco Locas, anti-américanisme primaire, sur les ondes de C'est fou FM. Moi, le monde, je veux pas savoir d'où ils viennent. Je veux savoir où ils vont. Le monde, ils peuvent être blanc, jaune, noir, mauve, bleu, avec des pitons en orange. M'en calisse. M'en calisse. S'ils veulent se battre avec moi, c'est mes frères. Alors, on n'est pas des racistes. Il faut arrêter de toujours s'excuser. Le problème est bien simple. Le Québec, c'est un pays conquis et annexé par la force. T'es conquis par la force des armes en 1760, puis annexé par la force avec l'acte d'union en 1840. La Confédération, c'est juste la suite de l'acte d'union. Donc, le peuple québécois est un peuple soumis, un peuple vassalisé, un peuple inféodé à un autre. C'est le départ à la part qu'on qui prend face au Canada. Regarde, les chiens s'intimant dans nos affaires. Vaguement totalitaire. Le peuple casse-rita. Au nom de la nation. Sans intention. Garder une attention constante sur les tensions. Attention, va maintenir la pression. Je fais ce qui m'impression. Mettre ta question. Sinon, y'a régression. Vital de la blessure. Même si on se fait chier, j'suis calme de constitue l'action. De tous les 365 jours, 24 sur 24, à chaque tic-tac. Paranoïaque, croissance de mon angoisse pour tous ceux qui s'en sacquent, qui vont, qui vaquent entre les reins de la vacuité. Lévité en sécurité, vaincu au spectacle de l'actualité. Comment faire l'épreuve de la réalité? Au royaume des aveugles, les rois sont des contacts. Avoir la vie en vrac, de vivre on a le trac. Puis pour oublier qu'on s'oublie, on court marcher pour l'Irak. Envergure qu'on enrobe, fierté qui se dérobe. Un petit vide en garde-robe quand la moitié est claustrophobe. Au fond, y'a juste pour qu'on te propine, on pile nous pour nommer cette emprobe. Attention, on va mettre la pression. C'est plus que la pression. On met la question, non la régression. Pour caler l'agression, détaler la pression. Même si on se fait chier, chicane de con. Comme ça, ni oui, ni non, mais ni de nous, mon est minable, incapable de choisir entre le lit et le rap. T'es pas parti, pis tu joues pas la partie. Mais faut que tu rentres, faut que tu sors. Un pied chaque bord de la porte. C'est le propre d'un Christ éclopant. Quand je vois les stats, je constate qu'on est Québec et Mat. On joue pour le bat en traînant de la patte. L'alarme, l'alarme coule sur ma joue et sonne sur mon tympan. Un pays sans enfants, sans nouveau sens et sans bon sens. On fait plus de flow, mais nous en faut pour tenir le ration à flot. Non, tant que les petits gars qu'on a. Le mégazique dans ta tête, t'es damn gnick, yo. Moi j'étais toujours, mais c'est un papino. Bite qui est pas con, me coiffe de mes idiots. Vive d'un trait blanc, bleu, l'horreur d'un siècle sans que ni quête ou l'erreur. Vite inhumaine, nous mène en deçà d'un humanisme à redire. C'est pour mettre des grands dieux. Mon mec penche pour tremble, manque dans cet ancien. C'est sans appartenance, dieu, yo. Pas de transcendance, ceux et celles, tous ces gens qui s'allègent de leur allégeance. Allégant l'urgence de l'amour immense, imminence. Des grands ensembles, les enracines dans les rangs pour vivre là. Qui a toutes les apparences. Un totalitarisme en aisance. Qui fait du particularisme nuisant. De moi un terroriste en puissance. Quand je prends le cas, la résistance. Attention, on va mettre la pression. C'est plus que la pression. On met la question, non la régression. Pour caler l'agression, détaler la pression. Même si on se fait chier, chicane de con. Une partie, un combat de boxe, voilà. Je voulais pas dire un match. Non, mais c'est maintenant accepté par l'Office de la langue française, le Québec s'anglicise. Match est maintenant un mot français. Oui, mais comment bien, comment ne pas laisser la langue française être envahie par des mots anglais, c'est de les accepter et de les intégrer à notre langue, de leur donner les règles d'accord que n'importe quel autre mot aurait. Voilà pour la chronique littéraire. Oui, c'est ça, chronique linguistique. Non, mais en fait, c'est la meilleure façon de contrer l'anglicisation, c'est d'accepter les mots. Donc, qui est plus fort, est-ce nous ou la langue anglaise? Alors, un débat sur lequel nous reviendrons peut-être un jour. Bonne semaine à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine, même poste, même heure, c'est-à-dire au CIFU 89.1 FM, la seule radio campus typiquement trifluvienne. Au revoir. Au revoir. Un extrait de l'émission Pure Laine animée par François Landry et Geneviève Marchand, diffusion originale 19 mars 2005. Ici, à C'était fou, l'émission qui rembobine C'est fou jusqu'à une semaine déterminée au hasard pendant les dernières années, depuis 1997 en fait. Et pour parler de l'année 2005 avec nous, notre collaborateur Nicolas Ducharme, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va bien, en cette Saint-Patrick, ça va super bien. Yeehaw! Je suis pas encore chaud, fait que... Tu portes pas de verre non plus. Ben non, non, non. J'ai oublié. Je me suis vu le matin dans l'incohérence totale, j'ai oublié. Je porte du vert depuis à peu près 6 ans à la Saint-Patrick. J'ai mon chandail des Celtics de Boston. Mais ce matin, pas de tête, pas réfléchi. Je sais, je m'en veux. Je me trouve dégueulasse présentement. Je me dis que je mérite pas d'être sur la planète Terre ce matin. Mais en tout cas, tu mérites pas d'être assez fou à cette émission aujourd'hui. Je mérite pas non plus. Tu mérites pas du tout. Ah non, OK. Donc, on va annuler ta chronique. OK, c'est bon. Non, OK, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé en 2005, Nicolas? Ben honnêtement, ça va l'air niaiseux à dire, mais 2005, c'était pas une grosse année. Je regardais tout ce qui s'est passé à travers la planète, puis c'était juste pas une grosse année. On n'a pas tapé fort là-dessus, donc j'y vais avec quelques nouvelles qui se sont déroulées dans l'année 2010. Tout d'abord, 2005. Oui, excuse-moi, 2005, bien sûr. Sinon, c'est fou et non pas c'était fou. Et voilà. Alors, le 10 février, la Corée du Nord déclare posséder l'arme nucléaire 2 ans après s'être retirée du traité de non-prolifération nucléaire. Tu sais, Kim Jong-il, tu connais l'expression « grosse corvette, petite quéquette ». Ouais, ouais. Bon, tu sais, si dans le cas de la plupart des hommes, la voiture plus la sportive, c'est comme une extension de son pénis... Mm-hmm. Dans le cas de Kim Jong-il, il a besoin d'un missile. Fait que tirez vos propres conclusions là-dessus. Oui. Ça va pas très bien pour lui. 16 février, entrée en vigueur du protocole de Kyoto. 17 février, on a commencé à pas respecter le protocole de Kyoto. Fait que ça a pas mal été ça pour ce qui est de Kyoto. Juin, pas de finale de la Coupe Stanley. Ah non? C'était l'année du lockout. Oui. Donc, habituellement, en juin, on regardait la finale de la Coupe Stanley. Les gens du Québec, tout d'un coup, se mettaient à prendre pour une autre équipe. Mais pas cette année-là. Donc, à défaut d'avoir les Canadiens, on n'avait juste pas personne cette année-là. Fait que c'est plus simple dans ce cas-là. C'était plutôt... On avait essayé du côté de la Ligue nord-américaine de hockey là, de prendre la relève. Malheureusement, ça n'avait pas levé. Et aujourd'hui, bon, c'était l'année qui aurait pu être névralgique pour eux. Et ça a été névralgique dans le sens contraire de ce qu'ils voulaient. Mmh. Moi, ce qui me surprend là-dedans, c'est que quand on a célébré le 100e anniversaire, quelque chose du genre, des Canadiens, on a compté comme de 1909 à 2009. Ouais, c'est ça, mais ça comptait pas l'année du lockout. Non? Oui, ça comptait parce que le club existait quand même. Je veux dire... passe une année dans le coma. Oui, je suis encore vivant quand même. Okay, mettons, tu passes une année dans le coma, t'es quand même vivant, on peut quand même te faire un cadeau à ta fête. Ou un gâteau. Un gâteau. C'est juste que tu le mangeras pas vraiment, vraiment. Je vais attendre plus loin dans la journée parce que je travaillais ce matin, c'est pour ça que mon gâteau est sur le coin de la tête. Hey, c'est vrai, je suis bien niaiseux, c'est ta fête, j'ai même pas allumé. Ben oui. Bonne fête, Mathieu Plante. Hey, merci, c'est fin. Hey, ben, donc, si tu serais en plein milieu de ton année de coma, on célébrerait quand même ta fête. Ah, ben vous êtes fin aussi. Ça nous ferait plaisir. Ben oui, je serais peut-être. Ouais. Non, j'essayais de. Tu serais silencieux, j'essayais de goûter le gâteau dans le coma. Ok, ouais. Non, mais on va te le mettre dans ta petite pipette, là, en intraveineuse. Un bout de sucre pur comme ça, ça va peut-être te réveiller. Tu feras ça, je te watch d'en haut. Ouais, non, mais t'es pas en haut, t'es en bas, mais t'es comme pogné, là, le coma. Bon. Je continue. 28 juin, au Canada, légalisation du mariage homosexuel par vote. 158 votes pour, 133 votes contre à la Chambre des communes. C'est depuis ce temps-là que les gars peuvent se marier à l'université pour avoir plus de prêts et bourses. Ah. On s'arrange, on ne dit pas à nos parents dans ce cas-ci. Okay. Donc, c'est une manière d'aller chercher un petit peu plus d'argent. Ah. Pour les autres hommes qui se marient ensemble, ben, Je comprends pas nécessairement pourquoi, là. Je veux dire, il me semble que depuis une couple d'années, on voit très bien que les hommes et les femmes, ça marche pas le mariage. Essayez pas de faire ça entre hommes et hommes. Je veux dire, ça allait bien, votre affaire, là. 2 juillet, 8 concerts géants, le fameux Live 8, qui voulait l'annulation de la dette des pays d'Afrique. Il y avait des concerts à Paris, Londres, Berlin, Philadelphie, Moscou, Johannesburg, Tokyo et Rome. Donc, en gros, ça aura rien donné de vraiment grand, là. On a envoyé un chèque intéressant en Afrique, mais quand on envoie l'Afrique, j'imagine qu'on envoie UNICEF ou je sais pas l'ONU comment ça fonctionne, mais en gros c'était plus un show, c'était plus une occasion de ramener des vieux bands ensemble, un peu comme un, dans le fond c'était comme quand t'as deux parents, leur enfant se retrouve à l'hôpital, les deux parents sont séparés, mais c'est comme une chance pour eux de se remettre ensemble pour aller au chevet de l'enfant, mais c'était pas mal ça. Qu'est-ce que ça a donné? 16 juillet, sortie de Harry Potter et le prince de sang mêlé. Le fameux livre que j'ai jamais lu, mais qui est bon, c'est quand même dans les livres populaires là, qui existent. Je sais pas s'ils ont fait un film pour lui, je sais pas. Ah, tu sais. Non, c'est ça, moi non plus, j'ai pas accroché là-dessus. Ça a été un flop assez méga, méga monstrueux. De? Harry Potter, les films. Ben non, ça n'a pas été un flop. Ben oui. Ben non. Ben oui. Ben non. Ben oui. Ben non. Ben non, je sais que non. Ah, OK, c'était du sarcasme. C'est ça, voilà. Mais que t'es un sarcastiqueur. Pas un très bon. Ouais, c'est ça. T'es pas un très bon linguiste, tout ça. Ouais, non, c'est ça. Moi, en tout cas, du côté de linguisme, je suis pas mal sûr que sarcastiqueur. Tu pratiques bien le sarcasme. Je vais y aller avec cette façon-ci de le dire. 29 août, le fameux ouragan Katrina qui a touché les États-Unis, la Louisiane, le Mississippi, bon, qui a fait briser des digues. Depuis cet état-là, la ville de la Nouvelle-Orléans, elle est plus la même. On est encore très, très ravagé. C'est plus long à reconstruire, particulièrement dans les quartiers pauvres où on se fout un peu, comme l'avait dit Kanye West. George Bush se fout des Noirs. Il avait pas tort, Kanye, là-dessus, mais il a donné un excellent malaise avec Mike Myers. La face de Mike Myers là-dessus. Ça n'a pas de prix. On était loin du niveau de coup d'Austin Powers là-dessus. Là. Oh, qu'on était loin. Awkward. Awkward moment. Ouais, assez inconfortable. Et en 14 septembre 2005, gars, je te parlais qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Non, ouais. Je suis rendu là. Le 14 septembre, c'est ma dernière. C'est la naissance, la première édition de la série Les Invincibles sur les ondes de Radio-Canada. Pourquoi j'en parle alors qu'avant, je parlais de guerre et d'ouragan et tout ça? Je pense que c'est juste la meilleure série qui a été faite au Québec dans minimum les 10 dernières années. J'adorais Les Invincibles et c'était diffusé de 2005 à 2009. Pas consécutivement, bien sûr. Là. Il y avait des pauses entre chaque. Je pense que c'est une série qui a prouvé à quel point il y avait du talent au Québec et qu'il ne fallait pas nécessairement se fier au code d'écoute, tu sais, parce qu'il y avait des codes d'écoute de 500-600 000 par émission et pourtant, c'est ça que je trouvais drôle. Arrive le lendemain au travail, tout le monde parlait des Invincibles, mais pourtant, tu regardais les codes d'écoute, il y avait 600 000, mais après ça, une émission comme L'Auberge du Chien Noir que personne semble écouter, c'est vrai, hein? Pète le million. C'est donc pourquoi les codes d'écoute, c'est une grosse crrrr. Ouais. De ouais. Oui. C'est ça. On est tous d'accord. Puis il y a tout le temps le facteur pour TVA, il y a tout le temps son facteur bonne femme aussi. Là. Oui, oui. C'est-à-dire, il y a tout le temps 25% des codes. Ben là, j'estime des chiffres, là, qui est ce qu'on appelle, et là, rien contre vous, mesdames, mais le syndrome bonne femme, mais ça peut être des hommes aussi, mais la bonne femme qui laisse son TVA ouvert à tout le long de la journée, puis qui l'écoute à tout temps. Puis qui fait que les codes d'écoute sont très hauts à TVA, même si c'est pour la poule aux œufs d'or, ce qui est triste et un mauvais reflet de la population québécoise, la poule aux œufs d'or. Bien dit. Mais quoi que V essaye très fort avec certaines émissions, dont pas les pourris de talent, comment ça s'appelle? L'échelle du talent. L'échelle du talent, 0 à 1000, que je fais, oh boy, OK, c'est... Ça non plus, ça vole pas super gros. Pas toujours. Et la petite séduction aussi là, qui nous fait voir des villages, là, qu'on se dit, c'est donc intéressant au Québec quand on peut voir ça. On est rendu à faire des infopubs pour nos villages. Ça va pas bien. Mm-hmm. Et en terminant, bon, ben 2005, c'est la première année. Là, je te rejoins un petit peu, là, Mathieu. Là, la première année de World of Warcraft, le jeu vidéo qui a fait grossir tellement de personnes à travers le monde, qui a causé des morts parce que les gens arrêtaient pas de jouer pendant trois jours. jours, le monde à manger des Doritos puis à boire du Mountain Dew, du Mountain Dew. Des enfants qui ont été enlevés à leur famille à cause des parents qui s'occupaient pas d'eux. Ouais, ou vice versa, des parents qui ont dû se faire avec des crises suicidaires parce que l'enfant s'est fait enlever son World of Warcraft parce qu'à un moment donné, il y a des bâtards de limite. Ça serait bon que tu vois le soleil. Donc ou tes pieds. Ou tes pieds même là. Ou, non, il ne voira pas parce qu'avec sa bédaine, c'est comme ça passe par-dessus ses pieds. Donc c'est une des deux. Des deux choses qui dépassent, qu'il ne voit plus. Et, ben, comme tu sais. C'est trois choses, en fait, mais bon, je ne veux pas te juger là-dessus. Là. Trois choses. T'as deux pieds et un. Ben, les pieds, c'était un. Et, Mais tu sais, les cocombes, ça ne pousse pas à l'ombre. Donc, la face de Mathieu, présentement, le thème qui arrête en même temps. On... C'était pour créer un moment inconfortable. Alors, c'était notre malaise de la semaine, hein, c'était fou. Ah! Premier de 2000 par semaine. c'est tout, Nicolas? Hey, c'était l'année 2005, je te disais que c'était plate. C'était plate 2005. Quand même, mais pourtant, tu remplis bien ton temps plate, toi. Ah non, mais je veux dire, je suis très bon pour remplir le plate, ce qui est plate, mais... Il y a des choses qui se sont probablement passées qui étaient plus intéressantes en 2004 ou 2006, j'ose espérer. Donc, à part Katrina, c'est probablement la plus grosse nouvelle là, qui est venue chercher l'actualité, qui est venue déranger l'actualité. Parce que pour le reste, ça passe relativement dans le vide un petit peu. Nicolas Ducharme. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. À la prochaine, bientôt. Ça te tente de revenir? Ben, quand ça me tente, souvent. Là, on s'arrange avec ça. Là. On s'amuse. On a du plaisir. On va entendre un petit peu de Silvertide. On va retourner dans notre semaine du 18 au 24 mars 2005. On va aller du côté anglophone avec la position numéro 5. Voici Silvertide et Blue Jeans. She's the kind of girl you bring home to your mother. She looks good in blue jeans. Even better undercover. She's a devil in bed between our sheets. Ask her she's a saint and she'll get down on her knees and pray. So get down on her knees and pray. So get down on her knees and pray. To your mother, she looks good in blue jeans, even better undercover. Sees the devil in bed between our sheets. After she's a saint, and she'll get down on her knees and pray. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Na na na na, na na na na, na na na na. Silvertide et Blue Jeans de l'album Show and Tell. C'est en position numéro 5 du palmarès anglophone pour la semaine du 18 au 24 mars 2005. Silvertide, un seul très bon album. Et moi, j'adore ça. Silvertime. Je trouve ça super bon, même si c'est très, très, très radio. Alors, on va se quitter avec deux pièces du palmarès, évidemment, de cette semaine-là, du 18 mars. On va entendre du côté francophone Malajub avec leur extrait Les Dents. C'était une nouvelle entrée à cette semaine-là pour de leur album Le Compte Complet. On va se quitter avec ça. Et suivra un extrait du palmarès rap anglophone où on avait un top 10 rap franco et un top 10 rap anglo à ce moment-là. On va entendre la position numéro 6 anglo. C'est Snoop Dogg avec Let's Get Blown. Oui, surprenant, mais Snoop Dogg, disons que ici, ça jouait pas mal et c'était pas mal avant les autres. Ça, Snoop Dogg. Donc, on se quitte là-dessus. C'est ce qui termine cette édition de C'était Fou. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la prochaine fois avec une autre semaine choisie au hasard. D'ici là, vous pouvez retrouver les notes de l'émission et télécharger les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Je remercie le directeur de la programmation et directeur musical Alain Lefebvre pour son aide à la recherche et évidemment Nicolas Ducharme pour ses éphémérides de 2005. Je m'appelle Mathieu Plante et n'oubliez pas, c'est pas parce que l'émission s'appelle C'était Fou que celle n'est plus. Bye bye. I'm fly. I don't know which one I want, dog. I can't make up my mind, girl. So won't you make it easy on me and take this drink and hit this weed. Two-step with me, let's slip to the dance floor. On and on and on and on we go. I'll dip you if you want me to. You see, I really wanna get a little funk with you. Biggity bump with you. A nigga wanna hump you and then just comfort you. And then I'll pop the top and lay you on the cot and get you nice and hot. Yeah, yeah, it's all to the real. We can do it like God. Come on, girl, let's chill. Give me the thrills. You know you want some more, girl. So come on. Give me the thrills. You know you want some more, girl. So come on. Let's get fly the friendly skies with the S-N-O-O-P-D-O-G-G-Y. Now don't ask why, just keep looking good in the hood. Damn girl, you're so fly, we can do what you want to. You say you drink Alizé or was it Malibu? It don't really matter though. You remind me of the time when I had a hoe. She kept telling me, doggy dog, I gotta go. So I let her get in the wind and cold Mac to friend. 2 plus 2, it equals 4. This is some shit that can last forevermore. I'm trying to put my bid in, no, I'm just kidding. Come on, Ma, get in. And don't ask where we going. Pimpin' and hoeing, drink pouring and weed blowing. You know it, come on. Give me the thrills. You know you want some more, girl. So come on. Give me the thrills. You know you want some more, girl. So come on. Let's get it. Call me.